franceinter.fr. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui Coco Chanel. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Marianick Bello, réalisée par Sophie Haute-Picon. La mode passe, le style reste, aimait à répéter Coco Chanel, dont les créations et les codes sont aujourd'hui repris à l'échelle mondiale. Coco Chanel est morte le 10 janvier 1971. Pendant un demi-siècle, cette créatrice a bousculé la haute couture, changé la silhouette de la femme et son parfum, ses accessoires, jusqu'à son teint. Et quand on interrogeait Marilyn Monroe sur ce qu'elle portait au lit, la nuit, elle répondait « quelques gouttes de numéro 5 de Chanel ». Gabrielle Chanel est née le 19 août 1883 sur les bords de la Loire. Elle est la fille d'Albert Chanel, camelot, négociant, rectifiera Coco Chanel plus tard, et de Jeanne Devol, couturière, qualité qui ne nécessitait aucune rectification pour le coup. Mais lorsque sa mère s'éteint, Coco est encore une adolescente. Leur père les place, elle et ses sœurs, dans un orphelinat dont le lieu et le nom seront modifiés sans cesse par Gabrielle Chanel. Cette souffrance, cette vie à partir de l'abandon, Gabrielle Chanel composera avec tout au long de son existence dans une solitude et un secret désiré, travaillé, protégé. Edmond Charleroux, dans sa biographie de Coco Chanel, l'irrégulière, écrit « S'il est un mot entre nous que jamais ses lèvres ne prononcèrent, ce fut bien le mot orphelinat, mot redouté, mot qu'elle porta en elle jusqu'à sa mort, sans que jamais il ait perdu de sa virulence. » Pourtant, la vérité est qu'elle a eu beau mentir, réinventer sa vie, et particulièrement sa jeunesse, quitte d'ailleurs à lasser tous ceux qui ont voulu la raconter, de Louise de Villemorin à Paul Morand, passant par Michel Déon et Claude Delay, ce sont bien dans ces années d'orphelinat que Coco a puisé la force qui l'a conduite à créer son style unique, un style qui a révolutionné la mode tout au long d'un siècle. Quelle est donc cette femme, d'une grande beauté, aux cheveux noirs et au visage anguleux, amoureuse aux mœurs légères, qui eut des amants très célèbres, qui a exercé sur les autres une véritable tyrannie, qui a beaucoup menti, qui a traversé le siècle en inventant des vêtements, des robes, des tailleurs, des bijoux qui ont révolutionné, contribué à libérer la vie des femmes. Mais ce succès a sa part d'ombre. En 1939, Coco Chanel se sépare de ses ateliers et de sa maison de couture de la rue Cambon. L'occupant nazi envahit la France. Coco Chanel choisit la collaboration. Elle sera arrêtée à la libération et très vite libérée. Elle avait des amitiés fortes et utiles. Gabrielle Chanel a rayé très tôt de sa vie ce qui lui restait de famille de sang et a constitué une famille de cœur avec des artistes très proches comme Picasso, Cocteau ou Marius Milhaud. Coco a aussi vécu une histoire d'amour, une vraie, avec le poète Pierre Reverdy, à moins que ce ne soit encore un fantasme, allez savoir. Alors, comment connaître précisément la vie de Gabrielle Chanel? Comment savoir qui était Coco Chanel? Dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà? Dis, qu'as-tu fait de ta jeunesse? C'est par ces vers de Paul Verlaine que notre invité questionne Coco Chanel et ouvre sa préface à la biographie de Henri Pochon, L'enfance de Chanel, publiée par Bleu Autour, qui sortira le 16 mai. Après la fiction qui nous emmène sur les traces de Coco Chanel, vous l'avez compris, nous poursuivrons notre enquête avec cet invité dont il est temps de vous donner le nom. Il s'agit de Jean Lebrun. Oui, notre Jean Lebrun, la voix de l'histoire, sur France Inter, producteur de La Marche de l'Histoire. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Coco Chanel de Marianick Bello. On me dit qu'on passait pas par ce mur. Non. Ah ben on passe par là. Non, on passe par là. Mais c'est complètement illogique. On fait toute la France en zigzag avec ton trajet. On remonte le temps. Et à Paris, on ne visite quasiment rien? La rue Cambon, tout le monde connaît. Les ateliers, le grand escalier au miroir. Rue Cambon, peut-être que quelqu'un voudra bien nous parler. Discours officiel déjà écrit, on ne passe pas par la rue Cambon. Tu es radical. Je n'aime que les détours. On arrivera plus vite. Donc j'ai quelqu'un à te faire rencontrer. Rue du Tire-Boudin. Rue du Tire-Boudin. Boris Corneau, le secrétaire particulier de Diaghilev. Alors, pour votre livre sur Chanel, comment comptez-vous procéder? Nous allons parcourir la France à la recherche des lieux que Coco Chanel a habités, des personnes qui l'ont connu directement. Une sorte de road movie. Oui. Pourquoi? Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Comment ça? Coco est morte il y a 15 ans. Et depuis, les biographies se sont multipliées, Kokoschka. Eh bien, l'envie de travailler ensemble, d'abord. Michel est journaliste de mode, et je suis historien de formation. Mais votre spécialité, c'est la Révolution française. Avec Chanel, on n'en est pas si loin. C'est Michel qui m'a proposé qu'on parte tous les deux. Travailler à ce qu'on pourrait appeler la déconstruction d'un mythe. Déconstruction du mythe? Il aurait détesté ça. Non, mais tous ces gens qui déclarent que Coco était ceci, Coco pensait cela, tout ça parce qu'ils ont une vague cravate Chanel pendue au fond d'un placard. Mon travail d'historien consiste à recouper les témoignages, les archives, l'agencement des lieux. Il y a urgence à le faire avant que tout disparaisse. Il y a quelque chose qui m'inquiète pour vous. Il n'y a pas une vérité, Chanel. Dès le départ, Chanel a menti beaucoup, d'abord en laissant les autres raconter toutes sortes d'histoires sur elle, puis elle mentait en parlant trop. Ensuite, elle mentait par amour du récit, comme une Scheherazade mondaine. Par goût de l'enjolivement aussi, face à une enfance trop triste. Vous avez lu Paul Morand ? Oui. Petite fille, elle passait ses journées seule, à jouer dans un vieux cimetière. À part moi, j'ai toujours pensé que les morts auxquels elle faisait ses offrandes, à qui elle confiait ses secrets, l'avaient protégée par la suite. Ils l'ont accompagnée comme des démons puissants, serviles, mais jaloux. Ils l'ont isolée. Elle était solaire, mais il y avait autour d'elle comme une ombre, à la fois attirante et glacée. À la fin, Chanel mentait sans s'en rendre compte, comme tout le monde, la mémoire jouant sa propre partition. Vous êtes la première personne que nous interviewons. Ça ne vous ennuie pas si je mets le magnéto en route ? Bah oui, allez-y. Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi vous, pourquoi Chanel ? Pourquoi pas Dior ou Yves Saint Laurent ? Tout le monde aime Yves Saint Laurent. Saint Laurent, c'est un antiquaire. C'est très beau, hein, mais la femme comme un pied de lampe, non merci. Vous vous êtes radical. Chanel, elle, Chanel est révolutionnaire. D'abord, elle fourre ses mains dans ses poches. Ça va, on ne va pas réécouter ça. Ce n'est pas idiot. Tu l'aimes parce qu'elle met les mains dans les poches. Je n'ai pas su parler. Je suis passé pour un imbécile, voilà. Elle parlait beaucoup avec ses mains, avec tout son corps. Tu vois, il essaye de te suivre. Elle était terriblement expressive, même quand elle se taisait. Elle captait le regard, elle avalait la lumière. Tu entends ? C'est le majordome qui passe derrière. Avant elle, coudre des poches sur un costume de femme, c'était d'un vulgaire... C'était réservé aux hommes. C'est plus que ça. Les poches, c'est un petit geste, mais c'est la fin d'un monde. Un monde où on se contente d'être, tandis que le personnel de maison s'occupe de tout et du reste. Ça veut dire qu'une femme va pouvoir avoir des clés, et peut-être même des clés de voiture, et conduire seule, et peut-être même travailler. J'aurais adoré que tu dises cela au moment où le majordome nous a servi le thé en livrée. Ouais. Tu as raison. Elle, fille d'un marchand forain itinérant, elle a fait porter aux aristocrates des habits de travailleurs, des rayures de pêcheurs normands, des vestons de laquais anglais, des livrées de bagagistes tyroliens et des robes en jersey. C'est-à-dire taillées dans du tissu de sous-vêtements. Oui, c'était culotté. Où faut-il commencer à chercher, selon vous ? Elle fonctionnait par cercle. Chercher le cercle le plus lointain, le plus ancien, l'enfance. C'est sans doute là que vous trouverez une clé qui a échappé aux autres avant vous. Le cercle le plus lointain. Regarde, elle naît en 1883 à Saumur. On s'en fiche, il n'y a rien à voir là-bas. On va directement en Auvergne où elle a passé son enfance. C'est son père qui les abandonne, n'est-ce pas ? Oui, il les abandonne tous, elle et ses frères et sœurs, après la mort de leur mère. Les gars à l'assistance publique, les filles chez les sœurs. Mais je croyais qu'elle était la fille préférée de son père. Elle aussi. Elle avait quel âge exactement ? 12 ans. Il lui a dit qu'il partait pour l'Amérique, faire fortune. On l'a retrouvée à Quimper avec sa nouvelle femme. Et pour elle, l'orphelinat. aubazine et son cloître. Cistercien, en beige, blanc et noir. Dessiné entrelacé dans les vitraux, le secret de son enfance. Aubazine semble être le lieu clé. On commence ou on termine par Aubazine? Qu'est-ce que tu préfères? Je voudrais voir les lieux qu'elle a aimés. Son enfance. Toi non plus, tu ne parles pas beaucoup de ton enfance. Il y a aussi Moulins, Vichy et surtout Compiègne, où elle rencontre Boy Capel. Coup de foudre. Britannique, donc irrésistible. Il l'emmène à Paris, où il l'aide à ouvrir son premier magasin. Où nous n'irons donc pas. Puis un deuxième magasin à Deauville. Où nous irons. Puis un troisième pendant la guerre de 14 à Biarritz. Que j'adore. Elle finit la guerre, richissime et en Rolls. Mais Boy Capel épouse une gentille héritière de l'aristocratie britannique. Il continue à voir Gabrielle et à l'aimer entre deux enfants qu'il fait à sa femme. Je suis choqué. Et ensuite, Vlan. Boy Capel meurt. Et encore, Vlan. Sa sœur cadette, son adorée, meurt à son tour. Elle meurt après s'être enfuie avec son amant qui l'abandonne. Elle meurt seule dans une chambre à Buenos Aires, comme sa mère qui est morte seule dans sa chambre. Vlan, devant ses enfants. Comme leur sœur aînée qui s'est suicidée quelques années auparavant. Vlan, en laissant à Gabriel un petit garçon qu'elle va élever comme son fils. Ça fait beaucoup de Vlan. Tu vois, elle aurait pu devenir chanteuse populaire. Ne te mets pas en colère. Je n'ai plus assez de temps pour ça. Avec tous ces morts, par qui commence-t-on les interviews? Elle chantait dans un beuglin à Moulins, qui a vu Coco, Coco, Coco, Coco sur le Trocadéro, et les officiers scandaient Coco, Coco pour le rappeler sur scène. Et c'est resté. C'est qui? Edmond Charleroux, sa biographe. Je t'ai fait une petite sélection. Dans sa famille, on l'appelait Fifi. Coco étant toujours en train de chanter, on l'avait baptisé Fifi, comme le petit oiseau de ses grands-parents. C'est son père qui l'appelait Coco. Deuxième anecdote sur son surnom. Son chagrin d'amour pour Boy Capel, elle l'a inventé après coup, parce qu'il en fallait un dans sa biographie. René de Chambrun. C'est son avocat, c'est ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle est venue à Paris en 1903. C'est un repère fixe. Voilà. Il se trompe là. Il l'a connue beaucoup plus tard. Il est très approximatif sur la jeunesse de Coco. Mais s'il ne sait pas, comment peut-il se permettre de parler avec tant d'assurance? Avec Étienne Balzan, qui était un fils de la grande famille des Balzan. Un garçon riche, mais qui n'était pas très bien vu de sa famille. C'était le canard noir dans une lignée de poules. Ah, voilà. Écoute ça. Il n'y avait que le cheval qui l'intéressait. Le cheval et les femmes. Et je crois qu'il traitait un peu les femmes comme des chevaux. Il a installé Coco à Royal-Lieu, près de son camp d'entraînement. Coco montait très bien. C'est là que les amis d'Étienne l'ont surnommé Coco, parce qu'Étienne était surnommé Rico. Alors ça faisait Coco, Rico. Ça faisait rire les gens. Si Étienne descendait de cheval, Coco était derrière lui et elle étriait le cheval. Revoilà Gabrielle Dorzia, une comédienne de l'époque, elle la première à porter ses très chapeaux. Très amusante. De la bande à Étienne Balzan? Elle avait une petite tête brune, des yeux flamboyants et une bouche en coup de sabre, avec des dents qui étaient déjà prêtes à mordre. Et comme elle n'avait que 25 ans, elle mordait encore avec des dents de lait. Un jour, Étienne Balzan m'a raconté une scène très drôle. Il a reçu dans son château son ami Boy Capel. Quand Boy Capel a vu la petite Coco, les yeux lui sont tombés sur les genoux. Un coup de foudre. Ce n'est pas la vérité, je crois, mais ça fait partie de la version d'Étienne. Au dîner, Boy Capel était complètement sous le charme, buvait beaucoup, de plus en plus ému, et Coco se plaint que la boutique ne marche pas, qu'elle l'ennuie, qu'il faudrait ouvrir une boutique à Paris. Étienne répond, mais pas du tout, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas banquier. Oh, dit Boy Capel, si cela ne t'intéresse pas, moi je veux bien avancer les fonds. Alors, Étienne Balzan appelle son maître d'hôtel, Jacques, apportez-nous deux bouteilles de Bollinger. Mademoiselle nous quitte. Le passage des pouvoirs s'est fait tout à fait en douceur, en copain. Quelle horrible phrase. Et nous voilà avec trois versions de l'origine de son surnom et un démenti de son amour pour Boy Capel. Comment savoir quoi que ce soit? Tu sais ce qu'elle pensait d'elle-même? Attends. Là. Je suis romanesque comme personne. Je suis plutôt sentimental qu'autre chose, ce que personne ne croit. Tout le monde me parle comme si j'étais un dragon, un tigre qui va vous sauter dessus pour vous manger. Je suis la personne la plus timide que vous avez rencontrée de votre existence. Elle avait des petites mains fermes, vives, autoritaires, qui ne se taisaient jamais. Des mains pour prendre, caresser, piquer, couper, palper, être prise, des mains pour rendre coup pour coup. Je suis une entreprise de démolition. Gabrielle Chanel. Je regrette que tu ne puisses pas revenir avec moi voir Madame Maud. Je viendrai la prochaine fois. Finalement, tu lui pardonnes tout à Chanel. J'aime les entreprises de démolition. Une des rares possibilités d'évolution sociale pour quelqu'un qui n'est pas né, c'est de gagner en réputation et en fortune en ne dormant pas seul. La fortune vient en dormant, mais pas seul. Coco a dû en passer par là, comme tout le monde. Vous voulez une liqueur ? Volontiers. Je vois que la question vous brûle les lèvres. Oui, j'ai été une demi-belle. L'homme qui nous aimait était comme un parapluie. Hors de sa protection, nous prenions l'eau. Votre ami n'est pas revenu ? Non. Quel dommage. Il a été hospitalisé. Mais il va sortir bientôt. Il va mieux déjà. Oh, un garçon si aimable. Vous lui direz que je pense bien à lui. Je vous remercie. Quelles étaient vos relations avec Coco Chanel ? Coco avait une très grande complicité avec quelques femmes qui connaissaient les labyrinthes de sa jeunesse et qui, comme elle, conservaient le secret. Il y a celles dont on connaît le nom, Émilienne d'Alençon, d'autres actrices, Gaby Morlaix, mais il y a d'autres femmes dont le nom n'a pas perduré et qui ne sont pas tombées dans la misère non plus. Trois belles, au bord du Loiret, comme d'autres auraient pu être au bord du lac d'Anguin. Coco Chanel venait nous visiter régulièrement avant que nous ne nous dispersions. Un petit cercle issu des joyeuses équipées des années Étienne Balzan. Joyeuse, certes, mais vous avez un point de vue bien masculin. Du point de vue de la femme, cela reste un travail. Tant sa sécurité matérielle, affective, sociale en dépend. Adrienne, la jeune tante de Coco Chanel, faisait partie de ce cercle ? Au début, oui. Nous avons affronté les difficultés des premières années ensemble. Mais ensuite, Adrienne, devenue baronne de Nexon, est restée dans la lumière et nous dans l'ombre. Coco est restée très proche d'elle. Et vous ? Je me sens reconnaissante d'avoir tellement de chance de passer l'âge mûr dans un jardin plein de roses. Pour Coco, tout a toujours été plus épineux, plus déchirant. Elle était tellement orgueilleuse. Elle a connu des romances avec le prince Dimitri, le duc de Windsor, l'amour avec le poète Pierre Reverdy qui finit par lui préférer Dieu ou l'absence de Dieu. Finalement, elle s'est fiancée avec Paul Irib, le dessinateur de mode et patron de presse, qui n'avait que le mot « israélite » ou « youpin » à la bouche. Il est tombé raide mort sur un court de tennis, presque dans ses bras. Oui, je connais l'histoire. J'ai accompagné un ami chez Coco Chanel. Nous étions invités à dîner. C'était pathétique. Toute petite, toute maigre, toute sèche dans cet espace peuplé de bibelots et de fantômes. Le dîner n'en finissait pas, elle parlait, et sur le pas de la porte, elle s'est accrochée à mon paletot, elle ne voulait pas me voir partir. On a descendu l'escalier, elle nous parlait encore par-dessus la rambarde. Tout pour ne pas aller se coucher toute seule dans sa chambre d'hôtel. Quand on est arrivé dehors, mon amie a éclaté de rire. Cette vieille dame qui avait révolutionné la société et qui maintenant se tenait terrée sous ses bijoux. J'ai toujours su que je lui devais quelque chose. Elle parlait de quoi ? Elle s'énervait contre les présentatrices de télévision, les coiffeurs, les mini-jupes. J'avais 20 ans. J'avais passé mon enfance à jouer à la poupée et à entendre ma mère sangloter derrière la cloison. Je disais un mot toutes les 3 heures, et encore. Tout ce que je savais dire, c'est « je ne sais pas, je ne sais pas ». Et la seule chose que je connaissais des relations sociales, c'est que le plus fort mangera des petits fours en piétinant le cadavre du plus faible. J'étais assez pathétique moi-même. Ouais. J'ai aimé cette femme qui proposait aux autres femmes de porter ses tailleurs comme une armure. L'heure des visites est terminée, monsieur. Ça fait déjà deux fois que je vous le dis. D'accord. Je reviens demain. Tu sais, je ne m'ennuie pas. C'est l'avantage d'être si faible. Je suis lent. Je me lève, ça prend 10 minutes. Je veux boire, je me sers un verre d'eau, 10 minutes. À ce rythme-là, le crépuscule tombe quand j'ai déboutonné mon pyjama. Et puis l'après-midi, je regarde Madame Esservie. Ça m'ennuie de partir à Aubazine sans toi. Qu'a dit ton docteur? Mon taux de T4 a encore baissé. Mais les interviews? Elle craint une suraffection. Je ne verrai pas Aubazine. Nous irons ensemble au printemps. S'il te plaît, vas-y comme prévu. Tu me raconteras. On écrira tous les deux ensuite. Je préfère t'attendre. Oh non. Et puis, tu prieras pour moi. Vous voyez? Au sol, ces petites mosaïques guident votre chemin. Vous avez là le soleil, la lune, l'étoile à 5 branches que Gabrielle Chanel a remarquée. Le chiffre 5 était si important pour elle. Elle en a fait son chiffre porte-bonheur. Oui. Les fleurs à 8 pétales. Avancer dans l'église, c'est pour les croyants progresser sur un chemin qui va de la terre vers le ciel. Si j'arrive en 5 pas jusqu'à la porte, Michel vivra encore 5 mois. Pour les cisterciens, si la sœur tourne la tête à gauche et regarde le vitrail haussé, Michel vivra encore 5 ans. On retrouve tous les éléments de la grammaire. Si l'oiseau qui s'envole est blanc, les couleurs neutres, il est sauvé. Beige, noir, si dehors bleu, un oiseau chante, la tour octogonale, Michel vivra encore. Laissez, Michel vivra. Lire les présages dans le vol des oiseaux, l'ombre des arbres, les éternuements, les résidus au fond des tasses de café, les numéros de rue, la couleur des robes des passantes, déchiffrer tout. Moi, le cartésien, le scientifique, l'élève de l'école normale en philosophie, barricader les mauvaises nouvelles, annihiler les morts, les oublier aussitôt, faire assaut d'énergie, de vaillance, les pleurer tant que je suis dehors, jamais avec lui. Ne plus pouvoir voir Jésus en peinture. Michel vivra. Ils trouveront une cure. Michel vivra toujours avec moi. Faire un serment silencieusement, à soi-même, et porter le deuil de tous en chemise éclatante. Allô? David, j'ai vu Boris Corneau. Il est venu à l'hôpital. Tu te rends compte? Boris Corneau à l'hôpital, lui qui hait les infections microbiennes encore plus que les communistes. Boris Corneau à l'hôpital, c'est un peu comme Staline se rasant la moustache. C'est contre tous ses principes, mais il est venu. Il a quelque chose d'extraordinaire à nous révéler. Extraordinaire. Ne t'échauffe pas, Michel. Je t'entends très bien. Il a fait la connaissance d'une historienne généalogiste, Cécilia Ponchon. Elle met tout par terre. Tout. Des révélations incroyables. Elle a découvert le secret de l'enfance de Chanel. Je crois qu'on touche au but, mon amour. Va la voir. Oui. J'irai la semaine prochaine. Non, tout de suite. Tout de suite. Je ne connaîtrai pas l'enquête de Al Vaughan sur Chanel pendant la guerre, dans le lit de l'ennemi. Ses missions secrètes. Son numéro d'agent pour le compte des services secrets nazis. son flamboyant mépris pour les résistants comme pour les collabos, et son amour si fort pour ce fils-neveu, ce neveu-fils, cet homme malhabile, capable de rien et prisonnier de guerre des Allemands. Je ne connaîtrai pas sa retraite en Suisse, au bord de ce lac si tranquille, où elle a dû mourir d'ennui. Un séjour en enfer, ressemblant pour elle à une lente après-midi de bridge. Reine en exil confite d'amertume. Je ne connaîtrai pas son retour en France en 1954, en pleine période New Look, quand elle relance son entreprise à 70 ans. La nouvelle collection accueillie dans un silence glacé, et le tailleur Chanel, qui devient une icône partout dans le monde. Jackie Kennedy, Romy Schneider, Marilyn Nu. Il n'y a que les astronautes qui n'ont pas porté de Chanel. Je ne connaîtrai pas ses refuges secrets. Château dans le creux d'un vallon. Quelques gouttes de numéro 5 dans la cheminée. Meubles aux pieds ailés qu'on change de place au gré de la journée. Porte à double battant. Capitonnée pour un silence de neige. Je ne connaîtrai pas ses chansons de jeunesse, ses jeux et ses colères, les bouquets de son enfance, l'odeur des murs et de l'eau, les parfums de sa mémoire. J'ai retrouvé un recensement de 1896. Gabrielle Chanel a 13 ans, un an après la mort de sa mère. Vous voyez là ? Elle est déclarée comme bonne d'enfant chez ses tantes, à Thiers. Elles tenaient une blanchisserie et elles avaient une maison près de la rivière où leurs employés venaient battre le linge. Donc, pas d'orphelinat, pas d'aubazine, pas de vitraux portant des C entrecroisés ni de cloître au grand escalier ? Non. Mais aubazine est considérée comme la matrice de son œuvre, sa source d'inspiration première. Peut-être y est-elle passée en visite ? Edmond Charleroux a tout inventé ? Edmond Charleroux utilise un argument que je trouve imparable. Puisqu'il n'y a aucune preuve de son passage à Aubazine, c'est donc que c'est vrai. Car Chanel cherchait à cacher son enfance dans cet orphelinat. Si les biographes romancent, alors ? Il suffit de relire ses biographes, Paul Morand, Louise de Villemorin et quelques autres. Elle leur a toujours parlé de ses tantes. Ils l'ont écoutée sans la croire. Par contre, pas un mot sur Aubazine. Mais j'ai retrouvé la trace d'une autre abbaye. Également cistercienne, où Gabrielle va rejoindre sa sœur pour des vacances d'été, l'abbaye de Valette, en Corrèze. Un témoin fait mention d'un grand escalier de basalte. Mais l'abbaye de Valette a disparu sous les eaux, engloutie par la construction d'un barrage EDF. Sans doute, les deux abbayes se ressemblaient-elles beaucoup ? Je crains qu'il n'y ait toujours un Mister Chanel, aussi loin qu'on aille. Merci beaucoup, Madame Panchon. Michel, ta lettre à la fondation qui gère tout l'héritage Chanel, y compris les archives, a reçu une réponse positive. Il faut bien que quelquefois le positif corresponde vraiment à quelque chose de positif. La lettre disait quelque chose d'étonnant sur le hasard et l'amour fou, dans un style suisso-administratif. Cher monsieur, ayant fait un rêve prémonitoire, je vous autorise à accéder aux archives papier de Gabrielle Chanel. L'Empire Chanel pèse des milliards, mais à toi, il ouvre ses portes pour que souffle le vent. Je reviens de Suisse. Je suis allé dans une ville de bord de lac, où toutes les femmes portent des tailleurs Chanel et des colliers de perles, leurs visages cachés sous leurs chapeaux. Une ville de messieurs polis, de promenades et de banques discrètes. Une ville mortuaire. Je suis descendu dans la salle des coffres, accompagné par Caron. Je n'ai pas regardé les bijoux, ni l'or, ni les dessins des robes précieuses. J'ai commencé par les livres de comptes. classés par année. Les premiers, les plus anciens, étaient écrits à la plume d'une belle écriture appliquée. J'ai ouvert le cinquième livre. Une feuille s'est échappée avec un poème. Je l'ai ramassé. La neige a recouvert tout, et mon chagrin. Je garde mon cœur chaud sous les cendres. C'était Coco Chanel de Marianick Bello. Avec Xavier Doranlo, Emmanuel Suarez, Vladimir Hant, Elsa Bosque, Emmanuel Lafont, Jean-Luc Vincent, Clémence Bouet, Christelle Tual, Caroline Piette. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Cédric Chatelus et Emmanuel Armingue, assistant à la réalisation Félix Levaché et Litorquia, réalisation Sophie Haute-Picon. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel. Femmes qui portent les culottes, comprenez-vous, tout ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, d'abord, elles ont perdu tout au monde. Elles ne sont pas heureuses, les femmes ne sont pas heureuses dans une époque comme celle-ci. Parce qu'on ne les aime pas, elles n'ont besoin que de ça. Une femme qui n'est pas aimée est une femme nulle, et puis un point, c'est tout. À quel âge qu'elle est ? Jeune, vieille, mère, amante, tout ce que vous voudrez, une femme qui n'est pas aimée est une femme perdue. Elle peut mourir, ça n'a plus aucune espèce d'importance. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Coco Chanel, notre invité Jean Lebrun de France Inter. Bonjour Jean Lebrun. Bonjour Fabrice. Faites comme chez vous, si je puis dire. Journaliste, professeur agrégé d'histoire, vous avez rapidement préféré le journalisme à l'éducation nationale. Après avoir collaboré à Combat, La Croix et Esprit, vous êtes devenu producteur auprès de France Culture, puis de France Inter, que vous avez rejointe en mars 2011 pour l'émission La Marche de l'Histoire. C'est tous les jours de la semaine à 13h30. Alors j'en arrive à votre travail littéraire. Vous avez publié plusieurs livres, dont le prix Goncourt de la biographie 2014, attribué pour Notre Chanel, publié cette fois en format poche chez Pluriel. Et alors, c'est une biographie, certes, mais je crois que ça ne répond pas aux canons habituels de la biographie. Hein, c'est autre chose, dites-nous. Ce concours de la biographie, je crois que c'est un malentendu. Les académiciens concourent, dont Edmond Charleroux, qui était encore vivante à l'époque, était peut-être fatigué de lire des biographies énormes qui allaient de A à Z, qui racontaient chaque journée des héros qui étaient portraiturés. Ce sont des biographies atteintes d'une certaine sénilité, d'une certaine obésité. Alors moi, j'ai fait quelque chose de tout à fait différent, qui d'ailleurs ne se voulait pas une biographie. Il faut que je raconte un peu de ma biographie à moi pour expliquer le livre. Oui, vous permettez, Fabrice? Mais bien sûr, j'allais vous demander d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que vous êtes entré dans cet univers de Coco Chanel? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine? Ce n'est pas du tout mon univers d'origine. Chanel ne me fascinait pas, ne me fascine toujours pas vraiment. Je n'aurais pas aimé la rencontrer, du moins dans ces dernières années, pendant qu'elle jacassait sans cesse et qu'elle empêchait ses interlocuteurs de discuter avec elle. Non, il se trouve, et c'est là que j'en viens à la partie autobiographique qui est nécessaire, je m'en excuse auprès des auditeurs, aux circonstances qui m'ont fait écrire ce livre. J'avais un compagnon qui était journaliste de mode, qui s'appelait Bernard Costa. Faut que je donne son nom parce que ce livre était fait pour sauver son nom, et c'est son nom qui me sauve aussi d'une certaine manière. Et alors quand on aime quelqu'un, vous savez, on fait tout ce que l'autre aime, c'est-à-dire que s'il avait été parachutiste, je me serais peut-être essayé au parachutiste. Mais il était journaliste de mode, alors moi qui m'intéresse plutôt à la vie religieuse ou à l'histoire politique, je me suis retrouvé dans les défilés de mode, j'ai fait connaissance avec les premiers historiens de la mode, j'ai fait connaissance avec les gens qui aimaient beaucoup Bernard, comme Courrèges, qui est un autre grand révolutionnaire de la mode, j'ai évité ceux que Bernard n'aimait pas, Pierre Berger ou Yves Saint-Laurent, et il m'a entraîné sur le chemin de Chanel. Et en fait, moi, je n'avais pas du tout envie de le suivre. Mais il se trouve que la fiction de Marie-Annick Bello le suggère de manière légère et élégante. Il se trouve qu'il était malade. Il se trouve que c'était les années sida. Et quand on est malade et que la mort vous menace, le gibier que vous êtes, en même temps, cherche à déjouer le chasseur. Il y a quelque chose de très puissant dans l'être qui vous pousse à mener un projet pour combattre les échéances. Et ce projet, c'était de tenter une enquête sur Chanel. Donc on est parti sur les routes, guettant dès qu'il y avait un répit les moments de soleil où on pourrait aller à Pau, à Biarritz ou sur la Côte d'Azur. Quand il était en meilleure forme, on allait en Picardie à la découverte d'une usine improbable de Chanel du côté de Cambrai et de Cateau-Cambrésis. Et quand il fallait travailler à la maison, on discutait tous les deux. Moi, j'étais au bord du lit, il me disait ses impressions, et on tentait d'écrire ce livre. Et quand il est mort, il n'était pas commencé. Et j'avais fait la promesse, ce livre, tu l'écriras, m'avait-il demandé. J'avais dit oui. Je ne savais pas très bien à quoi je m'engageais. Et 20 ans ou 25 ans après, sur la pression de mon éditeur, j'ai ouvert le tiroir, j'ai enfin pu écrire ce qu'il attendait, c'est-à-dire que c'est une promesse faite à ma jeunesse, enfin tenue ce livre. C'est si difficile que ça de connaître la vraie histoire de Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel, avec des fantasmes, des mensonges. Comment on s'y retrouve? C'est très difficile parce qu'il y a très peu de sources. On n'a pas l'histoire des comptes de la maison, on n'a pas les cahiers des clientes. Si vous faites l'histoire de Patou, qui a duré très peu d'années, vous avez des collections extraordinaires. Vous avez le répertoire des clientes qui fréquentaient Patou, leur mensuration, vous avez les factures, vous savez quand les factures ont été payées, et vous savez aussi quand, et c'est un cas fréquent, les factures ne l'ont pas été. Il n'y a rien de tel chez Chanel. Il n'y a pas non plus de correspondance de Chanel. On trouve quelques épaves. Nous avons pour l'essentiel dû travailler avec l'énorme littérature constituée à partir du monument fondateur Edmond Charleroux que vous avez cité, les grandes biographies, comme celle de Paul Morand, qui est constituée pour une grande part de mensonges. Morand le savait, mais ça ne le gênait pas de les transcrire. Il en a fait un objet littéraire superbe. Nous avons eu des témoignages et, par les témoignages, quelques épaves de papier, comme une sorte d'archipel. Mais il faut avouer que Chanel demeure insaisissable, faute d'une documentation suffisante. Et comment vous faites-vous? Alors, vous dites, par exemple, il y a des parts de vérité que je ne pourrais pas atteindre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Nous avons fait l'impasse sur toute la période d'après 1954, c'est-à-dire la recréation de la maison sous l'influence des Vertemer, qu'elle avait voulu déposséder de leur part dans les parfums et dans la société de couture pendant l'occupation, et qui l'ont relevé avec beaucoup d'intelligence moins de 10 ans après la fin de la guerre. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'être indépendants de la maison Chanel. Moi, je n'ai pas du tout travaillé avec la maison Chanel, je n'ai pas prévenu la maison Chanel. Quand le livre est paru, la maison Chanel a trouvé ça très bien, parce que ce qui ne dessert pas Chanel sert la maison Chanel, et ce qui enrichit la connaissance de Chanel enrichit la maison Chanel. On a travaillé en toute indépendance, en faisant l'impasse sur ce qui était le plus contemporain. Et pour le reste, on a choisi, comme le dit très bien la fiction de Marianic, on a choisi, dans une sorte de road movie, d'aller enquêter là où personne n'était allé. Nous sommes allés au Cateau-Cambrésis parce qu'il y a une usine de textile. Nous sommes allés dans un pli de la carte du Béarn, au nord de Pau, à une trentaine de kilomètres de la capitale du Béarn. Nous avons découvert une propriété essentielle qui est la matrice de la famille, entre guillemets, constituée par Chanel. Jusqu'au tout dernier jour, on a découvert des endroits. C'est-à-dire que Bernard, dans ces dernières semaines, était extrêmement malade. J'avais loué une sorte de datcha dans une forêt normande, à côté d'un endroit qui s'appelait pas Glas, mais Glo. Et j'étais là, on n'avançait pas dans le travail, il avait la fièvre, il a été hospitalisé plusieurs fois en urgence cet été-là. Et il se trouve qu'à 3 kilomètres de cette datcha, je regarde sur la carte d'état-major parce que je me dis je vais peut-être pouvoir sortir un peu l'après-midi, faire quelques pas. À 3 kilomètres de cette datcha, il y avait un château chanélien que Chanel avait loué, avait acheté dans les années 1930, qui s'appelle le Ménil-Guillaume. Jusqu'au bout, nous avons découvert des endroits inouïs. Alors, Coco, comment on passe de Gabriel à Coco? Pourquoi Coco? Je continue d'appeler Gabriel, parce que je trouve que le prénom a un côté angélique et catholique qui lui va bien, et de Coco, on ne sait pas très bien pourquoi ce surnom a été choisi, la tradition, la vulgate, il faudrait dire, si on parle comme les évangiles. Il y a plusieurs évangiles, ils se contredisent, ils se complètent, il faut faire du synchronisme. Il y a les apocryphes et les synoptiques. Voilà, exactement, notamment. Il faut travailler comme ça. Donc il y a une majorité d'évangiles qui disent qu'à Moulins, elle chantait dans un beuglant et qu'elle chantait une scie qui datait de l'exposition universelle qui se tenait non loin d'ici au Trocadéro et où on chantait sans cesse « Qui qu'a vu Coco ?» Sauf qu'on n'est pas du tout assuré qu'elle ait jamais été à Moulins. C'est Edmond Charleroux qui, dans son monument, soutient qu'elle a été à Moulins. On en reparlera juste après. Ni moi, ni Henri Ponchon, que vous citiez, qui va publier bientôt l'enfance de Chanel, n'avons trouvé de traces réelles de la présence de Gabrielle Chanel. On a bien trouvé sa sœur, on a bien trouvé traces de la naissance de son neveu, André Pallas, qui a été très important dans sa vie, mais d'elle à Moulins, il n'y a pas de traces certaines. Mais si vous voulez, Coco, gardons cette légende, pourquoi pas. Oh, bon, j'ai rien, écoutez, on l'appelle Coco. Bon, on va continuer avec le mystère Gabriel Coco Chanel, tout à l'heure. I'm just a girl, a wonderful girl, the sweetest one in town. You can search for miles around and no one like it can be found. I got a smile, a wonderful smile, a certain little way. Every time the boys get near me, they look at me. Red hot mama, red hot mama, girl, the one we need. Red hot mama, some charmer, yes indeed. They said that I should be in the follies, hot tamales. They said that I got a pair of eyes just like old Svengali's. I confess that I possessed the sweetest charms in town. And unless I miss my guest, the boys will follow me around. I can make a music master drop his fiddle and a ball headed man. I'm a red hot mama, red hot mama, and I have to turn my damper down. I sweetest one in town. You can search for miles around and no one like me can be found. I got a smile, a beautiful smile in a certain little way. Every time the boys get near me, they look at me and say, red hot mama, red hot mama, I'm the one you need. Red hot mama, some charmer, yes indeed. They said that I must be in the follies, hot tamales. They said that I got a pair of eyes just like old Svengali's. I confess that I possess the sweetest charms in town. And unless I miss my guest, the boys will follow me around. I can make a Texas farmer forget his hay, the devil throw his fork away. Red hot mama, red hot mama, but I have to turn my dapper down. Bien, Jean Lebrun, on va rester encore un petit peu sur la bio avant de parler du style. Alors, moi, de ce que je sais, mais est-ce que je sais la vérité? Bah, les débuts, c'est Moulins, la ville de Moulins. Et vous me dites, ouais, Moulins, on n'est pas sûr. Bon, enfin, il se passe des choses quand même à Moulins ou ailleurs. En tout cas, dans cette période, elle trouve un protecteur. Elle trouve un protecteur qui est un habitué de l'hippodrome de Moulins, d'ailleurs, qui s'appelle Étienne Balzan et qui est une des personnes les plus intéressantes de l'entourage de Chanel. Mmh. Je suis allé voir les membres survivants, ils sont très nombreux, de la famille Balzan, vieille famille du textile français, catholique, qui fournit des députés à la droite et des uniformes à l'armée française pendant la Grande Guerre, et qui a sa base à Châteauroux, mais qui fournit aussi quelques personnalités excentriques. Jacques Balzan, immense aviateur qui va finir époux d'une milliardaire, Consuelo van der Bilt, une des fondatrices de l'hôpital de Suresnes, et Étienne, qui est le canard dans la couvée, et qui a décidé de vivre des rentes que lui permet son héritage familial, et de moquer les traditions catholiques, les traditions bourgeoises. Donc c'est ce qu'on appelle un gentleman rider, et il collectionne les femmes et les chevaux, avec une préférence pour ces derniers, et c'est lui qui embarque Coco Chanel, qu'il a repéré on ne sait où. Il le loge dans une ancienne abbaye à Royallieu, à côté de Compiègne, où il lui fait découvrir l'atmosphère anglaise, l'indifférence au candiraton, la préférence pour ce qui est élimé, la chemise déchirée, pourquoi pas si on est bien dedans et qu'on se sent en pleine liberté. Et ce gentleman rider va ensuite céder à un Britannique la jouissance de Coco, de Gabriel, avec beaucoup d'élégance. Et ce qui est très beau dans le rapport entre Étienne Balzan et Gabriel, c'est qu'il a continué pratiquement jusqu'au bout, jusqu'à l'exil de Balzan après la Deuxième Guerre mondiale au Brésil. Ils ont toujours été en connivence, dans la plus grande discrétion, l'un avec l'autre. C'est une des plus belles histoires qui soient liées au destin de Gabriel. Bon, mais c'est parce qu'il fait d'elle, à un moment, une grande créatrice géniale. Il est où le déclic? Parce que ce que j'ai oublié de dire, mais il faut quand même le dire, c'est qu'après avoir été abandonnée, avoir passé plusieurs années dans un orphelinat avec sa sœur, elle apprend très vite à manier le fil, l'aiguille, devient petite main dans une maison de layette. Hein. Donc elle avait cette envie-là de couture. Et puis, la vie fait qu'elle devient une grande créatrice. À quel moment? C'est où le tournant? C'est la révolte, peut-être. Est-ce que vous disiez bien dans votre chapeau, une enfance malheureuse, des promesses qui sont faites à soi-même pendant l'enfance. Paul Morand l'a décrit dans un cimetière, se parlant à elle-même en même temps qu'elle parle aux morts. Elle veut devenir digne du destin qu'elle s'est imaginé pendant son enfance. Il y a la révolte. Il y a l'esthétique de la diminution, l'économie, le refus de l'ornementation, des beautés horribles ou des horreurs de la beauté. Et en même temps que la colère et la révolte la menaient, elle voulait faire autre chose que ce qui était dominant à l'époque. Quand elle va pour la première fois dans une salle de spectacle et qu'elle voit toutes ces dames rutilantes de bijoux avec les chapeaux qui gênent celles qui sont sur le rang de derrière et elles veulent gêner les dames de devant, elle dit « Moi, je vais supprimer tout ça, je vais les mettre toutes en noir, exalter la simplicité, exalter l'humilité, exalter les purs. » Et c'est aussi peut-être une des rares couturières qui sache ce que c'est que la fabrication textile. On parlait de l'usine à côté de Cateau-Cambrésis. Elle a eu une usine dans cet endroit qui s'appelle précisément Maretz. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que la maison était fermée, cette usine continuait à travailler, à fabriquer des tissus. Elle a eu un moment une usine à Agnières et elle savait faire fonctionner tout ça. Alors, donc, pour résumer, le style Coco Chanel, c'est l'élégance par une certaine forme d'épure. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs que la robe que portait Jackie Kennedy après l'attentat de Dallas, la mort de son mari, d'ailleurs, le fameux tailleur rose, c'est un Chanel. Alors, on peut peut-être considérer que cet exemple-là est emblématique de ce que faisait Coco Chanel. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste. Hein, pour ça, je vous pose moi la non question plus, comme ça. Mais ce que je pourrais dire comme ça en tâtonnant, c'est qu'elle a eu une formation provinciale. C'était une femme du Massif central. C'était une femme hercynienne, quoi, par beaucoup d'aspects. Ce n'est pas la province, hein, le Massif central, que disait Vialat. C'est un peu plus que la province. Elle a découvert le style anglais, le mode de vie anglais. Le tweed aussi. Ah bah oui, très important pour elle. Et peu à peu, elle a internationalisé sa production, allant parfois aux États-Unis. Elle n'aimait pas prendre l'avion, détestait même ça. Elle est allée quand même deux fois aux États-Unis. Elle a même imaginé fabriquer un biopic sur sa vie en compagnie de Louise de Villemorin qui aurait été produit par Hollywood. Les débuts de l'internationalisation de la maison, ça date de Gabriel. Et c'est là qu'on en arrive à l'époque du tailleur, ce sont les dernières années de Chanel. Comment réussir, ça c'est quand même un prodige que la maison Chanel continue à assurer brillamment, comment réussir à convaincre des clientes qu'elles ont quelque chose d'absolument unique, le tailleur rose de Jackie Kennedy dont le souvenir survit, alors que c'est un produit mondial. Ouais. Et puis il y a aussi ce que j'appellerais cette grosse tache noire sur une belle robe, c'est la période de la guerre, d'occupation et son choix. Hein, son choix des nazis, son choix des Allemands, son choix de la collaboration. Moi, j'ai une explication. Les gens de ce monde sont d'abord occupés d'eux-mêmes. Les gens de ce monde ne peuvent pas imaginer vivre sans aller le soir au spectacle, sans aller au défilé dans la journée, sans aller l'après-midi au champ de course, sans continuer à se recevoir les uns les autres. Du moment que les nazis les laissent faire, les laisse persévérer dans leur être qui est la mondanité, eh ben, ils supportent les choses. Et j'allais vous dire une chose surprenante, mais il faut lire notre Chanel ou d'autres livres pour peut-être comprendre plus précisément ce que j'indique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moins a-t-elle été mue par l'amour qu'elle avait pour son neveu, André Pallas, qu'il lui fallait sortir d'un no-flag. Il y avait quelque chose d'humain qui pouvait justifier ses comportements ahurissants et les arabesques qu'elle a pu produire pendant les années de l'occupation. Elle a été pire pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'elle était totalement indifférente à ce qui se passait, uniquement préoccupée de développer sa fortune, d'acheter sa première Rolls, de donner du succès à la maison de Deauville, de donner naissance à une maison de couture à Biarritz qui attirait à elle la société aristocratique espagnole. Et elle a traversé la guerre sans rien regarder, alors que les milieux de la haute société se sont quand même engagés. Les fils de la noblesse sont morts dans des proportions ahurissantes. Les dames de la haute bourgeoisie allaient dans les infirmeries, travaillaient dans les hôpitaux. Et elle, non, elle passait à côté du truc. Eh ben moi, je vous dirais qu'elle a été moins mauvaise pendant la Deuxième que pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, ce sera un enseignement. Merci beaucoup, Jean Lebrun. On vous retrouve, bien sûr, lundi à 13h30. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Coco Chanel, une fiction écrite par Marianick Bello, réalisée par Sophie Haute-Picon avec Hélène Bizio et Juliette Gou, émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Pierre-Yves de Rolin.